vêtements d'agent. Vous me voyez surpris de ne pas trouver mon lit ici. Parfaitement agent, je le vois qui recule, je le vois qui bascule aussi. Guili, guili, guili. Viens là, mon petit lit. Si tu ne viens pas à moi, c'est pas moi qui irai à toi. Mais qui n'avance pas recule, comme dit monsieur Dupneux, un mec qui articule et qui est chef du contentieux. Parfaitement agent, je reviens d'une belle fête. J'ai enterré Huguette ce matin. Parfaitement agent, j'ai fait semblant de pleurer pour ne pas faire rater la fête. C'était tous en noir, les voisins, les amis, y avait que moi qui étais gris dans cette foire. Y avait beau maman, belle papa, j'avais pas vu Mirza. Et puis monsieur Dupneux qui est chef du contentieux. Parfaitement agent, en enterrant ma femme, j'ai surtout enterré la maîtresse d'André. Je ne l'ai su que ce matin, et par un enfant de cœur qui me racontait que sa sœur, enfin, il me reste deux solutions. Ou bien frapper André, ou bien gnougnougnafier la femme d'André sur son balcon, ou bien rester chez moi, hein. Feu cocu, mais joyeux, c'est ce que me conseille André. André. André Dupneux, qui est mon chef du contentieux, parfaitement agent. Vous me voyez surpris de ne pas trouver.